Paul Verlaine. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, de nombreux poètes, désormais rangés communément sous le terme de symbolistes, ont écrit des œuvres qui étaient en réaction contre les traditions du romantisme. Je vous renvoie au dossier sur Lamartine, Musset, Vigny, Hugo et autres poètes romantiques, et contre la doctrine des poètes dits parnassiens. Je vous renvoie également au dossier sur ceux dits prud'hommes, José Maria de Heredia et le comte de Lille. Parmi ces poètes symbolistes, Paul Verlaine ayant une place prépondérante, j'ai rassemblé dans le présent dossier à son nom les poèmes que j'ai choisis dans son œuvre et que j'ai enregistrés pour vous. Avant de vous proposer, regroupés par recueil, la soixantaine de ces poèmes choisis, je vous propose d'abord deux poèmes phares, caractéristiques de la poésie symboliste.